une histoire particulière. Joe, atteint d'un cancer, Ben, presque aveugle, et Art sont trois pensionnaires d'une maison de retraite en Floride. Ils font quelquefois le mur pour aller plonger dans la piscine d'une villa voisine. Ils trouvent dans celle-ci des cocons d'une taille équivalente à celle d'un homme. Étant trop âgés, ils ne réussissent pas à sortir les cocons de l'eau et se baignent donc en leur compagnie. Ces derniers offrent à l'eau les vertus d'une fontaine de jouvence et quelques minutes après le début du bain, les joyeux retraités retrouvent tonus et vigueur. Ils ont recouvré une nouvelle jeunesse. Vous avez sans doute reconnu le film Cocoon, sorti en 1985, montrant les pensionnaires d'une maison de retraite comme une bande de gosses facétieux en colonie de vacances. Ils prennent un malin plaisir à couler quelques brasses dans cette piscine de jouvence et à s'extasier de leur jeunesse soudainement retrouvée. La natation est un trésor de bienfaits, comme vous le racontent tout de suite Charlotte Pouche et Anna Smuk. Bonjour. Ben, j'arrive là et puis je viens de mettre mes affaires dans mon casier et puis je vais vite aller à l'eau pour m'échauffer et puis prendre ma respiration parce que je suis très stressée là, parce que à chaque fois ça me fait ça à tous les championnats et puis la nuit évidemment je dors pas bien, mais je suis prête et puis dès que je vais être dans l'eau ça va me calmer et je vais m'échauffer et après ça, je serai prête pour la course. C'est dur ce matin? Je dois faire 1500 mètres, je dois les tenir, je dois le gérer, je dois être détendue et puis en même temps, faut que je gère la course, quoi. Et le mur du casier, bah c'est tout là, je crois que c'est tout bon. C'est tout bon, 140 rouges. Alors mon prénom c'est Marie-Françoise et en fait je me fais appeler Mifa parce que depuis toute petite on m'appelait comme ça et puis j'aime beaucoup. Vous avez quel âge Mifa? Ben, j'ai 72 ans, ben, je suis née en 47, comme Régine, ma concurrente. Bonjour, comment tu vas? Et toi? Alors, t'es en forme? C'est ma concurrente, on peut dire exactement, ça comme ça. Exactement, hein, exactement. Et en plus, une amie. Voilà. Donc, on va se retrouver tout à l'heure sur le bassin. Ouais. On va essayer de donner ce qu'on a. Absolument. Et toi, tu t'es déjà échauffée, là? Oui, ça y est. Ah, ouais, d'accord. Sinon, tu sais, moi, je mets 3 heures à mettre ma combi, alors. Ah, d'accord, là, tu vas mettre ton équipement, là. Voilà. Wow. Bon, bah, tout à l'heure. Et vous, Mifa, c'est quoi votre équipement? C'est juste le maillot de bain, parce que j'ai jamais eu de combinaison ni quoi que ce soit. Je suis à l'ancienne, quoi. De même que maintenant, on met des choses sur les jambes, là, des espèces de trucs pour la circulation, là. Oh, mais c'est moche. Alors là, de ce côté-là, je resterai toujours à l'ancienne aussi, parce que je ne voudrais pas avoir ça sur les jambes, que je trouve vraiment pas beau. Alors là, on arrive dans le bassin, un bassin d'échauffement. Mais moi, je vais aller dans le bassin de compétition, parce que comme la compétition n'est pas commencée, je vais pouvoir utiliser le bassin pour voir mes repères. Donc je vais déjà utiliser le bassin où je nagerai tout à l'heure. En fait, je vais nager avec mon pull boy pour m'échauffer parce que ça va plus étirer mes bras. Et puis j'ai juste ma serviette et mes lunettes parce que comme ça, une fois que je vais quitter le bassin d'entraînement, je vais directement passer à la compète. Donc là, j'ai toutes mes affaires avec moi. Et puis, c'est tout bon, quoi. Je vais aller me détendre dans l'eau. Là, je mets mon bonnet. J'ai un petit coup de flotte parce que j'ai la gorge sèche. Voilà. Ben, à tout à l'heure. Se jeter à l'eau. Pas d'âge pour la nage. Charlotte Pouche, Anna Smuk. Monique. Colette. Régine. Qu'est-ce que vous attendez? On attend le 1500 mètres. Le 1500 mètres aussi. Le 1500 mètres, avec un grand stress. Ouais. Bah oui, quand même, oui, même nous. Hein. C'est long, hein. Alors c'est long. On essaye de On va nager, bon, ça fait 30 minutes, alors on est en train de réviser nos défauts, nos défauts, nos virages, si on va bien pousser au mur. Si on va bien allonger nos bras, parce que même à notre âge, on a envie de faire des progrès. Puis on a envie de voir nos temps, des bons temps. Vous avez quel âge? Ah ben moi, 75. 75. Et vous, Régine? Eh ben moi, j'ai vraiment envie de me dépasser. Non, l'âge, quoi. À l'âge, 72 ans. c'est une petite jeunette. Vous venez pour une médaille ? Ah oui, ouais. Bah, oui. On a déjà. Ah ben, on les a déjà. Hein. Médaille on en a déjà. Médaille d'argent. Ouais. Et oui, avec des très bons temps. Ouais, ouais. Enfin, par rapport à nous. On a amélioré nos temps et j'ai 2 médailles de bronze déjà. Et je suis folle de joie d'avoir amélioré parce que j'ai compris des trucs sur le virage. Et oui, moi aussi, j'ai amélioré, j'ai fait des super temps et 2 médailles d'or. Est-ce que vous pouvez me dire la compétition que vous allez affronter là ? La compétition, championnat de France, des maîtres, voilà. À Dunkerque, voilà. Dites-moi, pourquoi aujourd'hui vous vous imposez ce rythme de compétitrice ? Ah mais c'est par rapport à nous, on a envie de... Parce que ça nous rend heureuses, voilà. Ouais. On se retrouve entre copines et on se donne des objectifs pour toute l'année. Ouais. Voilà. Ça nous booste. Moi, j'ai eu un gros pépin de santé à 40 ans et c'est ce qui m'a fait me mettre à la natation. Ça, il faut le dire parce que je pense que plein de gens... Moi, j'ai eu un cancer du sein. Je ne bougeais plus mon bras et c'est la natation qui m'a permis de reprendre tout et je suis arrivée à ce niveau-là. Et moi, ben, je me suis dit qu'à la retraite, ben, je veux des activités. Donc la natation, c'était mon sport préféré, donc je continue. Et mes enfants m'encouragent parce que ce sont des grands sportifs. Donc je leur montre l'exemple quand même parce que je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport et puis on est bien dans notre peau. Si on ne le fait pas, on n'est pas bien. Comment vous êtes là ? Comment vous vous sentez ? Dans combien de temps vous allez là, on va y aller là. On va pas tarder à aller à la chambre d'appel. On commence à avoir le stress quoi. Ah ben, on a le stress au départ, hein, ça c'est clair. Puis quand on est dans l'eau, on n'y pense plus du tout. Et nous, moi je viens du sud. Donc j'ai traversé toute la France, hein, de Manosque à côté d'Aix-en-Provence. Et vous, Régine ? Et moi, Nogent-sur-Marne. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors ça y est, c'est la tenue adéquate. Ouais, ouais. Allez, on se remonte les bretelles. On se remonte les bretelles, oui. Parce que la combinaison, c'est pas rien. C'est du non, sport. C'est très faut l'enfiler. On y arrive. On arrive même à s'exploser l'épaule tellement on est stressé de la mettre. Non mais franchement, c'est quand même un peu... Pour se mettre la pression comme ça. Pire que les minots. Ouais. Allô. Ça va ? Ça va et en toi ? En forme, oui. Ben, bon, ça, on verra. Voilà. Ça ira mieux à 10h moins le quart. Tu t'es chauffé un petit peu ? Ouais. 900 mètres. D'accord. Tu le fais, tu arrives à quelle heure ? Je suis arrivée à 7h30. Ah ouais, oh là là, dis donc. Bah, tu sais, après, il faut un peu se... Ah oui, mais moi, je ne sais pas, je fais le contraire. Tu sais, les articulations, il faut les chauffer. Voilà, ouais, ouais. Colette, pour la croix, droite. C'est la croix, droite. Pour la croix, droite. Régine. Couloir 5, droite. Voilà. Marie-Françoise, couloir 6, droite. 6, droite, merci. Et en fait, Sandra. On est deux par ligne. Ouais, deux par ligne. 7. Comme c'est long, hein, 1500, ils vont pas nous mettre un par ligne, ça on n'en finirait pas dans la journée, quoi. Donc ils doublent les lignes. Bonjour. Bonjour, coach. Bonjour, quand je te fais la bise. Bon, tu as essayé à l'échauffement, ton appui oui, à gauche bah oui, oui, alors, oui, tu sens oui, une différence je vais y aller cool. Hein. Je suis beaucoup mieux détendue quand je vais cool. Ah, bah, ouais, j'ai essayé. T'allonges bien. Je vais pas faire vitesse, je vais faire technique. Non, voilà. Ah. Et toi, tu as quelqu'un qui t'entraîne ? Tu es dans quel club ? Moi, je suis au CNP, au Cercle des Nageurs de Paris. Ouais, et donc tu es entraînée là-bas, tu as un entraîneur. Oui. On s'entraîne 3 fois par semaine, de 8h30 à 10h30 du soir. Ah ouais, c'est bête. Hein. C'est la seule plage qu'on ait pour les vieux et donc c'est bien parce que comme ça on a un couloir sans gêner les autres. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on a toujours du mal, nous, dans un club, les masters très souvent, et d'une part être accepté et d'avoir des créneaux. Ouais, parce qu'on n'est pas les. On est bienvenus, mais les jeunes sont encore plus bienvenus, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites, la MIFA, dans votre tête à 5 minutes ? Ben, je me dis que quand ce sera fini, je serai contente, quoi. Donc en fait, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir qui est mêlé à beaucoup de stress quand même. Oui. Non, c'est vrai que, je le dis, il y a des fois, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, de venir se stresser. Mais bon, si je nage dans la piscine toute l'année sans faire de compète, je vais aussi aller à un rythme trop tranquille. Je ne vais pas me mettre la pression, je ne vais pas me faire un entraînement régulier. Je suis paresseuse de nature, donc il faut quelque chose qui me motive. On vous a appelé ? Oui, on va y aller là. Je vais voir le chronomètre pour lui demander de partir dans l'eau. Je voudrais partir dans l'eau. Hein ? Je voudrais partir. On fait tout ce que vous voulez. C'est pour les affaires, ça. 6D, c'est là. 6D, bon, c'est à droite. Quelle est la série qui démarre, droite ou gauche? Gauche. Oh, merci. Alors, donc, vous démarrez, parce qu'on démarre en deux temps. Oui. Alors, moi, je démarre après, moi. Oui. Alors, moi, je partirai dans l'eau. Vous acceptez, hein? Pas de souci. D'accord. J'enfile les exploits, je fais la course avec moi. La pendule rythme mes calculs, deux battements de pied contre deux lancers de bras, 40 longueurs en une demi-heure, et puis tout compte fait, ça m'est égal. Je capitule et je me qualifie toute seule pour la finale. Ah, yeah, c'est terminé. Parfait. Parfait, parfait. Ça va, ça s'est fait. Bon, je suis un petit peu déçue. J'aurais bien aimé être en dessous de 30, mais bon. Non, ça s'est fait bien. Je me suis bien appliquée. Bon, c'est un peu long quand même. Hein. Ça vous fait avez 60... nagé combien de temps? Ça fait 30 minutes. Hein. 31 minutes. 31 minutes. Sur quelle longueur? Sur 1500 mètres. Et ouais, ça va. Mais ça va, parce que... Il ne faut pas aller vite là, enfin pour nous à nos âges, il ne faut pas aller trop vite. Mais c'est bien, en s'appliquant, les virages, les pousser au mur. Et... Non. Bon ben voilà, je suis contente, c'est fait. Et puis je suis en pleine forme, ça va. C'était ce que je voulais. Je sais même pas le temps que j'y fais, j'ai pas regardé. Non, c'est fini, maintenant ils sont passés à l'eau suivante. Et comment s'est passée votre course dans l'ensemble? Écoute, moi au bout de 1000 mètres, j'arrive à bien respirer, donc après ça va mieux pour les 500 derniers mètres. Et puis, je n'ai pas regardé où était Régine, parce que je ne commence pas à regarder mes concurrentes, parce que sinon, je m'en vais de mon axe. Alors, t'es contente? Écoute, c'est incroyable. J'ai rien compris à la course. Ouais. Je croyais que tu avais 50 mètres d'avance sur moi. Oh. Et alors, je me suis complètement gourée dans les comptes. Ah ouais. Je croyais qu'il me restait encore 50. C'était une horreur. Enfin, et voilà. Tu vois, j'étais en train de dire que justement, moi, je ne regarde pas à côté, comme ça, je ne suis pas perturbée. Oui, mais toi, tu es mon modèle, tu comprends? Ben oui, mais peut-être voilà. Pas pour toujours, parce que c'est toi qui vas devenir mon modèle. Oh non, pas vrai, pas vrai. En tout cas, merci. Ça fait du bien de lâcher un peu comme ça. Vous êtes heureuse? Oh oui, je suis folle de joie. Ça me rend très, très heureuse de nager. Même après 1500 mètres? Oh ouais. Oh oui, tout à fait. Je serais capable de repartir. Là, moi, je vais aller prendre ma douche pour me... Puis je vais me sécher les cheveux. T'as mis tout bien, là. 33 et des broutilles. D'accord. Bon, ben, moi, j'ai fait 30, j'ai gagné 1 minute et 5 secondes. Oh, dis donc, bravo, Cathy. Ouais. 1 minute et 5 secondes sur 1500 mètres. C'est magnifique. Ouais, je trouvais que c'était bien. Ouais, il y a de quoi. Refaire. Il y a de quoi être contente. Il y a de quoi être contente. Ah, ben, la voilà. La voilà. La voilà. Mais après, on a toujours un petit regret. Mais tu sais, mais... C'est vrai qu'on se dit, mince, on aurait dû accélérer un petit peu avant, quand même. Moi, j'ai accéléré au dernier 25 parce que je me sentais vachement bien. Mais en fin de compte, j'aurais dû accélérer au dernier 100. C'est dommage. Il n'y a personne. Hey, je vais te dire au point où on en est. Hein. De toute façon, on est toutes faites pareilles depuis le temps qu'on se voit. Habillée, ça va, mais déshabillée, quelle horreur. Ah, moi, avant, j'hésitais. Bon. Quelle est la question? Puis depuis que je suis allée en Suède, une année, je suis allée en Suède, il n'y avait pas de cabine. Ouais. Et non. Donc là, ben, j'ai été obligée de me mettre devant tout le monde. Ben, ça m'a bien désinhibée. Oh là là. Puis maintenant, vous genre. Avez l'air vraiment très moche. Hein. Ouais, mince comme vrai. Vous êtes, toute musclée. Hein. J'en ai jamais vu des moches comme ça, moi. Une fois, je m'étais fait la réflexion qu'il n'y a pas tellement de dames qui, ont des, qui nagent, qui ont des problèmes de circulatoire. Apparemment, je ne sais pas, vous regarderez les jambes des dames, je crois. Hein. C'est le fémur. Qu'est-ce que t'as ? Je m'étais fait une fracture du fémur et puis bon ben voilà. Bah oui, bah, c'est pas bon. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. C'est qu'une cicatrice. Voilà, hein, exactement. Voilà. 14, 18, 39, 40. Qu'est-ce que c'est 14, 18, 39. Mais c'est pas grave. Voilà, on les efface en nageant. Hein. Parce que je suis contente, demain le sang, je me défonce. Tu te rends compte ? Bon, ça va faire bizarre. Alors ça, c'est les endorphines. Oui, c'est ça. Là, on est complètement... Ouais, on est tellement chauffés aux endorphines, là. Mais toi, quand tu nages, par exemple, vous, quand vous nagez, au bout de combien de temps, vous avez une impression d'aisance et de... Moi, tout le temps. Tout le temps, oui, mais même au départ, t'es quand même... Si tu t'échauffes bien, là, si tu veux, au début, on a la trouille. Ouais. On a la trouille et on n'arrive pas à savoir à quelle allure avoir. Oui. Et puis, au moment des 3... Moi, c'est au niveau des 300 mètres. Voilà. À ce moment-là, j'ai plus de cerveau. Je suis un petit être qui flotte. Est-ce que vous pouvez me redire toutes vos prénoms et votre temps? Le temps que vous... Moi, c'est 37, Mifa, je suis la plus... Bah, on m'a applaudi à la fin parce que j'étais... C'était la dernière, voilà. Monique, 31-15, après, je ne sais plus. Moi, c'est 33 et des broutilles, mais je ne me rappelle pas non plus. Régine. Colette, 33, puis je ne sais plus quoi, parce que... Un petit pas chouï. Moi non plus, j'ai minuit. Vous étiez arrivée avant ou après moi? Oh, je pense que c'est après toi. Ah bon? Alors, donc, dites-moi, est-ce que vous pouvez me raconter votre 1500 mètres, la course? Ah ben, au début, les 200 premiers mètres, c'est toujours le plus difficile, hein, le temps qu'on prenne notre rythme. Et après, ben, j'ai fait le rythme de croisière, j'ai écouté mon coach, bien allongé, bien respiré, puis j'ai dit le temps. Je m'en fiche du moment que je fasse mon 1500. Qu'est-ce que vous vous racontez sur 1500 mètres? Je compte mes longueurs, c'est tout. C'est tout. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la tête? Ben, dans la tête, je me dis, bon, ben, je suis déjà arrivée, tant mieux. Je me sens bien, du moment que je sois bien, ça suffit. Voilà, j'ai fait une bonne course. Du moment que j'arrive jusqu'au bout. Alors en fait, moi je suis beaucoup moins sage que Colette. Alors je pars, j'ai très très peur. Ensuite je me dis, mais il n'y a pas de raison, je l'ai déjà fait, donc je vais quand même essayer de le faire. Alors j'ai du mal à trouver mon rythme, à bien m'allonger, comme m'a expliqué mon coach, parce que c'est surtout bien s'allonger. Parce que moi, dès que je veux aller vite, je raccourcis mes mouvements, je pédale dans la choucroute et je vais moins vite. Alors il faut bien m'allonger, je me force à m'allonger parce que c'est pas quelque chose de naturel chez moi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je mette dans ma tête. Puis alors, j'ai très très peur de rater tous mes virages. Alors là, j'essaye, là, ça fait simplement un mois que j'ai changé ma façon de faire les virages pour avoir moins peur. Parce qu'avant, je faisais la culbute, mais j'en suis pas capable, j'ai pas l'énergie et je perdais du temps en faisant, alors donc je la fais pas. Et j'ai changé ma façon de virer. Et alors, moi, contrairement à Colette, je compte pas parce que j'essaye de compter et tout se brouille dans ma tête. Dès les 300 mètres, je ne sais plus rien. Je ne sais pas du tout où j'en suis, mais pas du tout. Alors, j'ose pas trop regarder les pancartes parce que quand on regarde les pancartes, on met la tête en haut et on se ralentit. Alors, je me dis, dès que je vais être un petit peu fatiguée, je vais les regarder quand même pour voir combien il me reste. Et alors, quand je suis fatiguée, ça veut dire que je raccourcis mes mouvements. Alors là, je regarde. Et alors là, c'est pas bien du tout parce que je m'arrête encore plus, mais je peux pas m'empêcher de regarder. Et après, une fois que j'ai regardé, ben, j'ai encore oublié. Je me rappelle. Voilà. Alors, et sur vos 30 minutes de nage, enfin 33, pardon, qu'est-ce que votre voix intérieure vous a dit? Ah ben moi, je nage avec ceux que j'aime et puis je vois les petites étoiles dans le bassin et je suis bien. Voilà. Mais c'est vrai. Je suis plus pragmatique. Là, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, comme quoi chacune, on est un petit peu différente. Moi, je suis. Après, ça doit dépendre. Je suis assez carré. Donc moi, je compte et je compte d'une façon très très précise. Je compte par dizaines. Donc bon, je parle le plus lentement possible. Je m'oblige à aller un peu plus lentement que ce que je vais en. Après, on a une moyenne, hein, sur un 200, un 400, on nage plus vite. Donc, le 1500, je m'oblige à nager un peu plus lentement au départ parce que la hantise, c'est de ne pas finir. Et je compte. Alors, ce qui fait que ça m'occupe. Donc, je compte par longueur et par série. C'est-à-dire, je compte jusqu'à 10. Après, je fais 10, 1, 10, 2, jusqu'à 6 parce qu'il y a 60 longueurs de 25 mètres. Hein. Donc, et après, je me dis, dans ma tête, je me dis, bon, quand tu vas arriver au 30, c'est bon, tu es à la moitié, donc j'attaque le 40. Après 50, c'est super. Et le 60, je me dis, bon, tu essayes d'accélérer un peu, mais j'ai tellement peur de pas. Bon, après, on est pas trop mal quand on est presque à la fin de la course. Et là, moi, j'accélère vraiment sur le dernier 25 mètres. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui? Oui. Emifa? Aujourd'hui, dans la course, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que ça allait être dur? Non, c'est plutôt le démarrage, moi, pour reprendre nos repères, pour la respiration, pour l'aisance, et puis après, c'est parti. Au contraire, même, j'étais bien prêt, je m'apercevais que je pouvais faire des battements, alors que j'étais surprise, parce que je me suis entraînée en battements. J'étais contente de moi. Bon, j'ai fait le temps que j'ai fait, mais j'étais contente d'avoir nagé et d'avoir été à l'aise, quoi. Et à quoi vous avez pensé dans votre course? Essayez de vous souvenir. Alors moi, je pense surtout à rien. Je me disais surtout... je me dis surtout, regarde pas les copines à côté, parce que ça va te foutre le moral en l'air, parce que celle qui était dans ma ligne, en plus, elle allait très vite, quoi. C'était une jeune. Puis on était mélangés. Ouais, alors bon, ça, je me dis surtout, tu penses pas qu'elle va plus vite que toi. Tu nages, tu fais ton truc pour le mieux. Fais ton truc, quoi. Et puis il y a quand même une chose, quand même, je pense qu'en vieillissant, on a dans la tête, enfin je sais pas, ça dépend, que peut-être notre corps il peut un peu lâcher pour une raison X. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je pense un petit peu. Pas vraiment d'une façon hyper stressante. Mais au départ, tu te dis, bon, est-ce que mon corps va bien suivre? Il y a quand même ça. Voilà. Et moi, j'y pensais d'autant plus que Denise, ma concurrente, hier, elle a eu une douleur thoracique et elle ne pouvait pas nager ce matin. Et là, moi, ça m'a fichu un choc, mais énorme, parce que je me suis dit, comment elle, qui est aussi parfaite, elle, qui se prépare aussi merveilleusement, elle a ce problème? Ben, j'ai intérêt à pas mettre trop la gomme, parce que si ça m'arrive comme elle, alors là, oh, je serais tellement malheureuse. Et voilà, hein, moi j'ai beaucoup pensé à elle. Je crois que c'est la différence entre les séries plus jeunes et les séries plus âgées, si vous voulez. Votre course aujourd'hui? Oui, je suis très heureuse parce que j'ai fait le temps que j'avais envie de faire. Et puis voilà, j'ai eu la course. Oui, je suis très heureuse. Je m'étais préparée et je suis contente. Bon, avec un temps qui pour moi est très bien, mais qui n'est pas dans les moyennes, c'est pas un temps super, mais moi je suis contente. France hiver Open des maîtres. Remise des podiums du Cassan Nage Libre d'âme. C11, médaille d'argent. le teneur Colet, Gien, natation, médaille d'or, Vernet, Monique, Manosque. Les médailles seront remises par M. Saint-Martin et M. Choutet, conseiller municipal délégué au sport. Qui a la médaille? Alors en fait, moi déjà la médaille d'or. Donc Monique, elle est médaille d'or, Colette, elle est médaille d'argent. Donc, a priori, moi, je suis médaille d'or et toi, tu es médaille d'argent. Voilà. Dans d'autres cas, voilà. Vous voyez, hein, vous êtes en contact avec les mamies maintenant. Voilà. Voilà. Et justement, non, mais c'est sympa. Ah ouais. Comment vous vous définissez? Quel mot on pourra... Ah, je ne sais pas. Je crois qu'on a... Enfin, moi, personnellement, j'ai un décalage. J'ai l'impression d'avoir un décalage par rapport à mon âge et par rapport à ce que je fais. Mais de temps en temps, je sais que j'ai cet âge-là. Et ça fait un peu suer quand même. Catégorie C10, médaille d'argent, Fels Denise, Gien Natation, et médaille d'or, Richer Régie, Club des nageurs de Parc. Enfin, moi, cette année, ça me fait suer, parce que je pense une catégorie, ça me fait suer, sincèrement. Mais bon, ça fait suer, c'est tout, c'est pas... C'est pas triste, mais ça me fait suer parce que bon, bah, on avance et puis c'est tout. Et puis qu'on fait des calculs et puis on se dit, bah, il nous reste plus beaucoup de temps. C'est pas, attendez, c'est pas dans le côté mélodrame, tout ça, c'est comme ça. Donc tout ce qu'on fait, bah, on se dit, tiens, c'est sympa, mais bon, c'est pas si facile que ça, hein, quand même, d'avancer en âge. Hein. Même si on est là. Si on se prouve qu'on est quand même des battantes, peut-être, mais bon, ça c'est le caractère. De toute façon, il n'y a rien à y faire. Hein. Je crois qu'on est comme ça, point. Et vous, Régine ? Eh bien, moi, de nager, ça, j'ai l'impression que je recommence à être petite. Parce que moi, j'apprends. C'est un milieu que je ne connaissais pas. Et donc, moi, c'était le milieu de mes enfants. J'ai découvert à travers mes enfants. Et donc, le fait de nager, ben, j'ai l'impression d'être eux. Donc, voilà. Voilà. T'as plus de vie devant toi. Oui. T'as du temps. Voilà, exactement. Moi, je me dis, on a une espérance de vie de 120 ans. Ben, qu'est-ce que j'ai comme progrès encore à faire, hein? C'est extra. Et vous, Colette? Moi, je vais au jour le jour. Hein. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, ça va moins bien. Après-demain, ça ira mieux. Moi, à mon âge, je fais pas attention. Ah, ça va bien. Mes enfants m'encouragent. Mes petits-enfants m'encouragent. Ouais. Bon, ben, ça va. Alors, du moment que je puisse le faire, l'âge, ça n'a aucune importance. Mais c'est vrai que c'est super d'être encouragé par ses petits-enfants. Ouais, là, j'avais un SMS de ma petite-fille. Ouais. Vas-y, c'est un bon début. Voilà. Je vais aller téléphoner à mon mari, ouais, que j'ai oublié hier. Dans l'eau, je suis sans poids, sans rides et sans âge. L'eau dissout mes colères. Filtre mes peurs, épuise mes doutes. Tout ce qui arrive à la piscine se passe aussi dans la vie. Nous nous sommes jetés à l'eau avec Mifa, Monique, Colette et Régine. Merci au club de Dunkerque Natation, à la Fédération Française de Natation et ses maîtres. Mifa et Manon ont lu « Se jeter à l'eau » de Geneviève Casterman. Coordination Christine Bernard. Prise de son Sandrine Malon. Mixage Éric Boissé. Un documentaire de Charlotte Pouche réalisé par Anna Smuk. Jeter à l'eau, second épisode, ce sera demain à 13h30. Pour le moment à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.